On l'a sans doute un peu trop oublié ces dernières semaines, les FARC, qui détiennent des centaines d'otages, ne sont pas le seul mouvement armé qui sévit en Colombie. Et je ne parle pas de la petite ELN, l'armée de libération nationale, une guérilla guévariste, qui pratique aussi la prise d'otages, mais semble en perte de vitesse. Non, je veux évoquer ici tous ceux que l'on classe sous le nom de paramilitaires. Des milices armées qui, en toute impunité, ont terrorisé le pays sous le prétexte de lutter contre les guérillas d'extrême gauche. Alliées du pouvoir et même complices de ce pouvoir, elles ont peu à peu pris en main une grande partie du narcotrafic. Et bien souvent, leurs confrontations armées avec les guérilleros des FARC ont d'abord eu pour objectif la conquête de nouveaux territoires dévolus à la culture des cocaïers. Plusieurs initiatives politiques ont permis d'aboutir à des démobilisations progressives et très avantageuses de ces unités paramilitaires qui sont responsables de milliers d'assassinats et de disparitions. Mais à chaque fois, elles ont ressurgi toujours aussi meurtrières, toujours aussi cruelles, malgré les scandales et malgré les enquêtes de certains magistrats et journalistes courageux. Des parlementaires, des hauts fonctionnaires, des politiciens appartenant à l'entourage du président colombien Uribe ont été mis en cause et emprisonnés. Le scandale de la parapolitique est dévoilé au grand jour, sans autre dommage pour Uribe que ses concitoyens ont appelé le président Teflon, le président sur lequel tout glisse. Mais au moment où l'on ne cesse de découvrir de nouveaux charniers des victimes des paramilitaires, la justice est loin d'en avoir terminé avec ce cancer qui continue à miner la société colombienne. Après m'avoir longuement parlé des FARC il y a quelques semaines, M. X tente de percer quelques-uns des secrets de ces redoutables paramilitaires. Quand on parle de la Colombie contemporaine, il ne faut jamais oublier ce que l'on a appelé la violencia. Je résume. En 1948, à la suite de l'assassinat du candidat présidentiel progressiste, Jorge Gaitan, de violents troubles éclatent. Un véritable conflit armé qui oppose les tenants des deux principaux partis, les libéraux et les conservateurs. Et une guerre civile qui va faire, m'avez-vous dit, des dizaines de milliers de morts. Hein. Oui, c'est pendant cette période de la violencia, qui dure au moins jusqu'au début des années 60, que l'on voit apparaître d'une part des guérillas, d'inspiration marxiste, et de l'autre des escadrons de la mort qui sont en réalité des organisations paramilitaires. Qui luttent contre les guérillas. Oui, sous l'égide de l'armée, ces bandes sont chargées de la lutte insurrectionnelle et usent des méthodes les plus brutales. Elles bénéficient d'ailleurs très tôt d'une sorte de reconnaissance officielle. En 1965, un décret du Congrès colombien autorise le ministère de la guerre à armer des groupes de civils destinés à lutter contre l'ennemi intérieur. Et ça, c'est les guérillas. Et tous les mouvements insurrectionnels. Et ces groupes, ayant acquis une couverture légale, vont recruter parmi ces escadrons de la mort qui ont précédemment sévi. C'est pourquoi, malgré le calme relatif qui succède à cette terrible période de la violencia, les paramilitaires ne disparaissent pas totalement. Et ne demandent qu'à renaître. Oui, c'est à peu près ça. Car les guérillas, elles, sont de plus en plus actives. C'est pourquoi, dans les années 80, ces milices paramilitaires vont à nouveau faire parler d'elles. Certains grands propriétaires terriens font en effet appel, grâce au décret du Congrès, à des organisations privées pour se défendre contre les guérilleros ou pour mieux asservir les paysans qui travaillaient sur leurs terres. Et on retrouve les mêmes. En tout cas, ceux qui ne sont pas trop rouillés. Mais ils sont rejoints par de jeunes recrues. Ce sont donc des mercenaires. Cependant, la plupart du temps, ils entretiennent d'excellents rapports avec les autorités locales et les forces armées. Après tout, ils ont les mêmes adversaires, les guerrilleros, et sont considérés comme tels tous ceux qui contestent l'ordre établi et mettent en cause les titres de propriété des nouveaux capitalistes ruraux qui ont accaparé les terres qui ne leur appartenaient pas. En se spoliant de petits paysans. Mais naturellement. Ouais. Et alors, d'où viennent justement ces nouveaux capitalistes? Ce sont parfois des narcotrafiquants. Et justement, ces derniers sont eux aussi intéressés par ces organisations paramilitaires. Ah, pour assurer leur sécurité personnelle? Et la sécurité de leur commerce illicite, oui. C'est le fameux Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, qui a eu le premier l'idée de créer une milice privée pour encadrer ses activités. Encadrer, protéger, vous voulez dire. Oui. Et pour entraîner ses hommes, il a fait appel à un mercenaire israélien, un certain colonel Yair Klein, un ancien soldat d'élite de Tsahal. Bien entendu, ce type n'a pas été engagé directement par Escobar, mais par une association de grands propriétaires terriens et une société exportatrice de bananes. Ce qui montre en tout cas les connivences qui existent entre ces gens-là et les narcotrafiquants. Hein. Autre chose très intéressante. Pour sa part, Klein déclarera qu'il a été en fait envoyé en Colombie par les États-Unis. Ah, les États-Unis, et votre avis hein? Ce n'est nullement contradictoire. Les Américains, vous le savez bien, sont très impliqués dans la lutte contre les guérillas. Et nous en parlons un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, Klein est chargé d'organiser des séminaires de formation. De l'entraînement, quoi. Oui, l'Israélien apprend à ses élèves paramilitaires l'utilisation des armes et des explosifs. Avec travaux pratiques à la clé? Forcément. Et d'après un homme qui a bénéficié de l'enseignement de Klein, ça va jusqu'à l'apprentissage de certaines méthodes de torture. Ah ben les élèves de cet Israélien sont donc à bonne école. Hein. Ils ne vont pas tarder à montrer qu'ils ont reçu une excellente formation. En dehors même des massacres de paysans auxquels ils participeront, ils seront de ceux qui attaqueront le journal El Espectador et assassineront le gouverneur de la province d'Antioquia, où se trouve la ville de Medellín. Et que deviendra là, cet ex-colonel? En 2001, en compagnie d'autres mercenaires, il est condamné par la justice colombienne à 10 ans de prison par contumace. Contumace, il a déjà quitté le pays. En effet. Mais au cours de l'été 2007, il est arrêté à Moscou, car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Cependant, avant même que la justice colombienne ne demande son extradition, le gouvernement israélien fait pression sur les autorités russes. Et Klein peut regagner sans encombre son pays. À propos d'Israël, encore un mot. Un général de réserve israélien est le conseiller du gouvernement du président Uri Bey en matière de sécurité. C'est la reconnaissance de l'efficacité des services de l'État hébreu. Si l'on veut. Mmh. En tout cas, pour revenir à Pablo Escobar, son initiative finira par se retourner contre lui. Certains des paramilitaires qu'il a recrutés feront partie d'une organisation clandestine, Los Pepes. Oui, c'est une organisation qui trahira Escobar et participera même à sa traque. Et qui assassinera ensuite méthodiquement ses proches avant de se partager les dépouilles de leur ancien chef. C'est donc dans ce terreau de mercenaires que sont nées les forces paramilitaires. Elles se sont ensuite unifiées sous l'appellation AUC. Autodéfense unie de Colombie. Et leur chef a été très longtemps un certain Carlos Castaño. Cette organisation-là, était-elle illégale? En principe, oui. Elle figurait même sur la liste noire des mouvements terroristes dressés par Washington. Mais la réalité était tout autre. Car ni les Américains, ni le président Uribe ne pouvaient voir d'un mauvais œil une force paramilitaire qui combattait avec une efficacité certaine les FARC. Ce sont par exemple les paramilitaires qui ont chassé les guérilleros de la zone atlantique. Alors, pourquoi ne pas reconnaître officiellement leur existence, s'ils étaient tellement efficaces? Pour deux raisons. D'abord, ces paramilitaires violaient systématiquement les droits de l'homme. On leur attribue la majorité des exactions commises dans le pays, assassinats, collectifs, tortures, etc. Plus que les FARC, donc. Ensuite, il y a le fait que ces troupes parallèles étaient largement financées par le trafic de drogue. Comme les FARC. Leur chef suprême, ce Carlos Castaño, l'a lui-même reconnu. Et vous allez voir dans quelles circonstances. Un chiffre auparavant, plus de la moitié de la drogue colombienne, et il y en a pour des centaines de tonnes, est exportée à partir de ports qui se trouvent dans les zones d'influence des paramilitaires. Dans ces conditions, il est difficile pour Uribe de reconnaître qu'il entretenait des liens avec eux. Pourtant, d'après vous, il existait au moins une alliance objective. C'est sûr. Castaño jouissait d'une quasi-impunité. Sinon, comment pouvait-il se déplacer en hélicoptère dans tout le pays sans être jamais inquiété? J'ajoute que ces types d'extrême droite, outre le trafic de drogue, utilisaient les mêmes méthodes que les FARC. Il raquettait les industriels et les grands propriétaires terriens qui payaient ainsi la protection qui leur était offerte. L'offerte ou imposée? Bien entendu. Enfin, ils n'ont jamais oublié de s'emparer des terres abandonnées par les paysans chassés par la violence ou obligés de partir sous la menace. À leur façon, ils procédaient à une véritable contre-réforme agraire. Alors ici, je voudrais m'attarder un moment sur Feu Castaño, car c'est vraiment un personnage emblématique de cette époque. Comment est-il mort, là? Un petit peu de patience, si vous le voulez bien. Chez Castaño, ce qui est étonnant et même unique, c'est que ce chef paramilitaire a cru bon d'avouer ses crimes. Il les a même détaillées en 2001 dans un livre où il se raconte avec une délectation certaine. Alors certes, il faut faire la part des choses et trier, mais un grand nombre de ces révélations sont vraisemblables, sinon vraies. Ouais. Alors, avant de voir de plus près le contenu de ce livre-là, et pourquoi ces aveux ? À mon avis, il essaie de préparer son retrait. Le retrait des AUC, hein ? Oui, Castagno aspire à devenir quelqu'un d'honorable. Ouais, malgré ses crimes. Mais sans doute a-t-il déjà commencé à négocier avec les autorités colombiennes. Ouais. Sa reddition contre quoi ? Une certaine clémence ? C'est ça. À moins qu'il n'ait déjà décidé de se livrer aux Américains qu'il recherche en tant que narcotrafiquant. Aux États-Unis, s'il acceptait de parler, il serait assurément bien traité et bénéficierait d'une grande clémence. Cela veut dire en tout cas, enfin ce livre, qu'il a décidé de prendre ses distances avec ses partenaires des organisations paramilitaires. Certainement, oui. Et j'imagine que la publication de son livre de confession n'a guère dû leur plaire. D'autant que dans ce pavé de cynisme, il ne se contentait pas de dénoncer les assassinats que lui ou son groupe avait perpétrés, mais aussi l'implication des paramilitaires dans le trafic de cocaïne. Et c'était tout simplement explosif. Dans son livre intitulé « Ma confession », Carlos Castaño raconte donc par le menu certains assassinats, et en particulier celui de Carlos Pizarro, le chef du M19, un mouvement de gauche issu de la guérilla, mais légalisé en 1989, Castaño raconte. Pour moi, ce fut une véritable action patriotique. Le personnage était très difficile à exécuter. Nous avons passé 3 mois à le filer et plusieurs fois, nous avons été sur le point de l'avoir. En vain, l'homme était habile. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, moi, si on devait m'exécuter, qu'est-ce qu'on choisirait comme endroit ? Où est-ce que je suis le plus vulnérable ? Et puis subitement, j'ai compris. Dans un avion, pardi. J'ai organisé l'opération dans ses moindres détails, car il n'était pas question de mettre en danger la vie de la centaine de passagers qui voyageraient avec lui. Renseignements pris auprès de pilotes de ligne, nous savions que nous avions 5 minutes pour opérer, pas une de plus, juste après le décollage. Si nous avions attendu que l'avion soit pressurisé, il aurait explosé. L'arme ? Un pistolet mitrailleur Mini Ingram de calibre 9 mm a été introduite par un civil à l'aéroport de Bogota. Pizarro est entré dans l'avion en souriant, il a salué les passagers et s'est assis. Ses gardes du corps ont pris place sur les sièges devant lui. J'avais moi-même entraîné le gars qui a exécuté l'opération. Avec des chaises en plastique, je lui avais montré comment il serait placé dans l'avion. Je l'avais fait se lever, marcher, puis tirer avec précision. On avait tiré des centaines de fois, toujours avec la même arme. Quand les voyants interdits de fumer et attacher vos ceintures se sont éteints, il a marché vers les toilettes, étudiant sa cible du regard. Il a préparé son arme, a respiré profondément et prié pour la patrie. Quelques secondes plus tard, il exécutait Pizarro. Mais est-ce qu'au cours de cette longue confession passée par écrit, Carlos Castaño essaie de justifier son action criminelle ? Bien sûr. Pour lui, il s'agissait de lutter contre la subversion. Mais attention, Castaño avait une notion très extensive de la subversion. Ainsi considérait-il comme élément dangereux quiconque n'appartenait pas au milieu conservateur. Et d'abord, bien entendu, les guérilleros et les défenseurs des droits de l'homme. Ouais, et puis tous ceux qui tentaient de s'opposer aux expropriations des paysans les plus pauvres. Naturellement. Donc c'est vrai, il reconnaît sa responsabilité dans le meurtre du sénateur Manuel Cepeda. C'est lui qui dirigeait le commando de tueurs. Or, s'amuse-t-il dans son livre, la justice l'a absous. Et de se moquer de cette justice déplorable qui innocente les vrais coupables. Difficile d'être plus cynique. Dans un autre passage, il s'accuse d'avoir tué une cinquantaine de membres de l'Union patriotique. Ouais, l'Union patriotique, il faut le rappeler, c'était cette formation créée dans les années 80 avec des membres des guérillas et des personnalités de gauche. Un mouvement légal suscité par le pouvoir de l'époque. Et à un moment, les Colombiens ont pu croire à la paix. Et m'avez-vous dit, là, lorsque nous avions parlé des FARC, des guérilleros sont sortis de la jungle où ils se tairaient. Oui, car ils avaient confiance dans la parole des autorités. Enfin, vous savez ce qui s'est passé. À peine lancés dans le processus légal et électoral, des milliers d'entre eux ont été abattus. Ils sont tombés dans un piège. Exactement. Au fond, on a attendu qu'ils sortent du bois. Et une fois qu'ils ont été à découvert, on les a massacrés. Ce sont les paramilitaires. Mais des types comme Castagno qui, évidemment, accomplissaient le sale boulot pour les représentants les plus conservateurs ou les plus extrémistes de la classe politique colombienne. Et notez bien que cet épisode pas si lointain explique en partie la méfiance actuelle des FARC, qui exigent mille et mille précautions avant, par exemple, de rendre leurs otages. Parce que les guérilleros ont peur de tomber dans un nouveau piège. Et c'est pourquoi les FARC demandent que ces échanges, s'ils doivent avoir lieu, se passent dans des zones démilitarisées. Et donc, sécurisées, enfin, de leur point de vue, j'entends. C'est cela, oui, puisque les AUC et leurs seigneurs de la guerre vont diriger de fait des zones de plus en plus importantes. Des régions entières où ils font la pluie et le beau temps et où ils règnent sur un petit peuple qu'ils pressurent comme bon leur semble. Un petit peuple qui cultive la coca à leur profit. Ah ben c'est la moindre des choses. Mais dans ce domaine-là, les AUC sont en compétition avec les FARC. Et il ne faut pas oublier qu'au moins, en principe, cette lutte contre la guérilla est la raison d'être de ces paramilitaires. Comme il faut reconnaître qu'ils sont relativement efficaces. Ils vont même reprendre aux FARC des zones assez importantes. Certes, ils sont sans doute un peu moins nombreux que les guerrieros, mais ils sont très bien armés. Et surtout, ils disposent du soutien occulte de certains cadres de l'armée qui sont idéologiquement très proches d'eux. Ça explique qu'ils créent de vraies difficultés aux FARC. Et pourraient-ils les vaincre ? Je ne sais pas, mais leur progression est réelle. Et au fur et à mesure de leur avance, ils constituent ce qu'ils appellent des zones de sécurité. C'est-à-dire des zones où il n'y a plus de guerrieros. Et on observe alors, à partir du milieu des années 90, une montée impressionnante de la violence. On compte chaque année une vingtaine de milliers d'homicides, dont les deux tiers peuvent être attribués aux paramilitaires. Et alors les autres, ce sont les FARC qui en sont responsables ? Les FARC et les autres guérillas. Et on estime aussi que 70% des personnes déplacées le sont à cause des paramilitaires. Et là encore, le chiffre est accablant. En Colombie, il existe plus de 3 millions de personnes qui ont dû fuir de chez elles à cause de la guerre. Et pourtant, quand on pense ou quand on parle des violences commises en Colombie, on pense d'abord exclusivement aux FARC. À cause de la médiatisation dont elles font l'objet. Les prises d'otages. Forcément. En ce sens, le sort d'Ingrid Betancourt a joué un rôle de catalyseur. Oui, on a beaucoup moins parlé des exactions des paramilitaires. C'est la vérité. Attention, je ne veux pas ici exonérer les FARC qui ne sont pas moins sauvages et impitoyables que leurs ennemis paramilitaires. Mais il est certain que les autorités colombiennes mettent toujours l'accent sur leur combat contre les FARC, quitte à passer sous silence l'action criminelle des AUC. Et ce n'est pas innocent. Mais pourquoi ? Parce que la lutte contre une guérilla d'inspiration marxiste est bien plus profitable. Ça permet au pouvoir de bénéficier de nombreux soutiens. Oui, là, vous pensez aux États-Unis. Obligatoirement, oui. Sous couvert de la guerre nécessaire qu'il faut livrer aux narcotrafiquants et à tous ceux qui vivent de cette industrie, les Américains consacrent des sommes énormes à cette cause. Mais la plupart du temps, ce n'est qu'un prétexte. Oui, parce que la réalité, c'est l'éradication des FARC. Oui. Mais les FARC sont liés au trafic de drogue. C'est même aujourd'hui leur principale ressource. Cependant, c'est oublié bien vite que les paramilitaires n'agissent pas autrement. Pourtant, si j'en juge par l'évolution récente, il semble bien que le président Uribe ait quand même décidé de venir à bout des milices paramilitaires. Hein. On va en reparler, si vous voulez bien. Mais il faut reconnaître que les efforts des autorités colombiennes ont payé. Le pays est devenu plus sûr et les homicides sont moins nombreux. Toutefois, il est difficile d'effacer d'un seul coup de balai des années de connivence. Et puis l'existence des paramilitaires, c'est comme une hydre. On coupe une tête, mais une autre repousse aussitôt. Pour les paramilitaires, c'est aussi une nécessité économique. Ah oui, il faut bien vivre. En effet. Et malgré les conditions favorables qui leur sont consenties, s'ils renoncent à l'action armée, de nombreux paramilitaires préfèrent leur vie passée. Enfin, revenons à Castagno. Toujours dans son livre, il dénonce tranquillement la collusion de nombreux hauts fonctionnaires et de politiciens avec son organisation. Et il ne peut en être autrement. Dans les zones qu'elle contrôle, les AUC sont maîtres du jeu politique. Aucun député ou sénateur ne peut être élu sans obtenir leur aval. Il en va de même, évidemment, pour les maires. Et les gouverneurs de ces provinces sont aussi pieds et mains liés. Et c'est une notoriété publique. Au début de la présente décennie, un responsable des paramilitaires a pu affirmer, sans aucun risque d'être démenti, que les AUC contrôlaient 35% des parlementaires. Cette connivence est même allée si loin qu'elle a été en quelque sorte concrétisée en 2001 par une réunion au sommet. réunion convoquée à l'initiative des paramilitaires. Donc, des personnages vivant dans l'illégalité, en principe. Mmh. Et qui a participé à cette réunion ? Du côté des AUC, il y avait la crème des paramilitaires, à l'exception de Castagno, qui n'était déjà plus en odeur de sainteté. À cause de la publication de son livre. Oui. Ouais. Alors étaient présents trois chefs historiques. D'abord, un ami de Carlo Castagno, Salvatore Mancuso, le chef d'état-major des AUC, qui revendiquera plus tard plus de 300 assassinats. Ce richissime fils d'immigrés italiens a noué aussi des relations commerciales très fructueuses avec la mafia calabraise, la trop célèbre Ndrangheta. Puis à côté de lui, on trouve celui qu'on appelle Don Bernard. Qui est ça ? C'est un ancien tueur de Pablo Escobar. Le chef du cartel de Medellín, oui. Et après avoir trahi son chef et donc contribué à son élimination physique, Don Bernard s'est approprié une partie de la succession. Enfin, il faut parler de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, un type qui s'est taillé un véritable fief dans la zone caraïbe. Et trois poids lourds, donc. Et en face ? Une remarque auparavant. Ces trois chefs paramilitaires sont alors recherchés par la justice. Alors en face, il y a du beau monde. Il y a 11 députés, 2 gouverneurs, 3 maires et plusieurs élus locaux et fonctionnaires. Dans l'ouvrage « Les nouveaux mondes rebelles » paru aux éditions Michalon en 2005, j'ai trouvé ce portrait d'Alvaro Uribe qui a été à de maintes reprises soupçonné de collusion avec les paramilitaires. Alvaro Uribe est né le 4 juillet 1952 à Medellín, dans le département d'Antioquia, poumon économique du pays, vivier de grands entrepreneurs, mais aussi laboratoire de la violence en Colombie. Son père est mort en 1983 lors d'une tentative d'enlèvement par les FARC. De formation juridique, élu gouverneur d'Antioquia en 1995, il suscite la polémique en créant, dans un contexte d'insécurité galopante, des groupes d'autodéfense citoyenne, les convivir, sorte de comité de quartier, destiné à mieux contrôler les activités criminelles. Le concept des convivir, souvent attaqué par certaines ONG qui voient une promotion du paramilitarisme, sera étendu au pays et défendu avec succès par leurs créateurs devant la Cour suprême colombienne. Dès 1999, Alvaro Uribe Vélez décide d'être candidat au scrutin de 2002. Dissident du Parti libéral, bon dernier dans les sondages, il va peu à peu trouver sa place dans le paysage politique colombien en adoptant un discours de fermeté à l'égard des FARC. Certains journalistes ont dénoncé les liens de la famille Uribe avec le cartel de Medellín et avec des paramilitaires sans apporter de preuves sérieuses. Le président a reconnu avoir fréquenté les frères Ochoa dans sa jeunesse avant qu'ils ne tournent mal, leur père étant un ami du clan. S'agissant de ses liens avec les paramilitaires, il relève de spéculations. Les AUC avaient effectivement déclaré le choisir comme candidat, mais il convient de replacer ce baiser de Judas dans le contexte d'affirmation politique du paramilitarisme, Uribe étant le candidat le plus ferme à l'encontre des guérillas. Et le but de cette réunion là, entre politique et paramilitaire ? Il s'agit d'abord, et je ne plaisante pas, d'imaginer la construction d'une nouvelle Colombie, rien de moins. En somme, les participants veulent refonder la patrie. Et pour parvenir à cet objectif, ils signent un pacte secret. Ah oui, ça va très loin. Hein. On apprendra plus tard que, même s'ils n'étaient pas présents à cette réunion, de nombreux chefs militaires adhéraient à ce dessein. Autant d'officiers supérieurs qui luttaient résolument contre les guérillas et qui, pour cette raison, étaient considérés par la population colombienne comme des héros. Or, ces personnages glorieux travaillaient main dans la main avec les paramilitaires. Et grâce aux informations qu'ils transmettaient à leurs complices, ils étaient même à l'origine de plusieurs massacres de paysans. Si je comprends bien, pour eux, les militaires étaient donc des sortes d'auxiliaires. Exactement. C'est ainsi qu'ils étaient vus par une partie de la hiérarchie militaire. Alors, pour en revenir à ce pacte secret signé entre les politiques et les chefs des paramilitaires, tous les détails sont rendus publics en 2007. 2007. Alors, j'imagine que la justice va être saisie. Tout à fait. Mais notez-le bien. Ça n'empêche pas le ministre de l'Intérieur du gouvernement Uribe de s'étonner. Mais au fond, dans ce pacte, il n'y a rien qui ne soit inacceptable. Oui. On pourrait même le ratifier aujourd'hui. Alors, c'est dire à quel point l'idéologie des paramilitaires a corrompu le régime. L'idéologie, mais aussi les méthodes sanguinaires mises en place par ces assassins. Alors même, il faut le souligner, qu'on commence à découvrir quelques-unes des centaines de fosses communes où les paramilitaires se sont débarrassés des dépouilles de leurs victimes. Tire-toi en arrière. Quand Alvaro Uribe arrive-t-il au pouvoir ? Il est élu en août 2002. Et c'est une immense surprise parce que le candidat Uribe n'est pas soutenu par l'un des deux grands partis qui se partagent traditionnellement le pouvoir depuis des décennies. Mais il faut tenir compte de la lassitude de l'opinion qui en a assez de cette guerre civile qui mine le pays depuis si longtemps. D'autant que Uribe promet la fermeté. Mais monsieur propre. C'est à peu près ça, oui. Mais malheureusement, le combat qu'il engage aussitôt élu est à sens unique. Uribe va se battre, mais presque exclusivement contre la guérilla des FARC. Et il faut reconnaître qu'il obtient des résultats. Oui, mais pas grand-chose contre les paramilitaires. C'est la vérité, et ce n'est pas très étonnant. Le 11 septembre est passé par là, à Washington. George Bush a décidé que la priorité était désormais l'éradication du terrorisme. Donc, tous les moyens sont bons. En Colombie, ça passe par une alliance objective avec les paramilitaires. Et tant pis si ces types sont aussi des narcotrafiquants qui inondent les États-Unis de cocaïne. Mais si vous le permettez, car je n'aurai pas le temps aujourd'hui, nous évoquerons cette question spécifique de la drogue dans un prochain entretien. Mais le fameux plan Colombie, c'est ça, hein ? Oui, non, je peux vous dire tout de suite que malgré les formidables moyens engagés, il s'est traduit par un échec. Alors, la lutte contre les FARC, elle se traduit immédiatement par une augmentation des effectifs des AUC dans des proportions considérables. En même temps, bien sûr, ces paramilitaires obtiennent des succès et conquièrent de nombreux territoires. Au détriment des FARC. Oui, et ça se comprend assez bien. Un de ces chefs de bande l'explique de façon très claire. Lorsque l'armée intervient contre les FARC, grâce aux puissants moyens dont elle dispose, elle remporte des victoires, mais ensuite, elle se retire. Ah oui, et les guerriers s'en profitent pour revenir. Tandis que les paramilitaires, eux, restent sur place et encadrent la population. On assiste même, selon certains observateurs, à une sorte de paramilitarisation des populations civiles. Cependant, Uribe est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire ? Le soutien appuyé qu'il apporte aux paramilitaires commence à faire jaser, surtout à l'étranger. Le pouvoir va donc essayer à plusieurs reprises de discuter avec l'AUC. Et de conclure des accords. C'est l'objectif, oui, et ça commence très tôt. L'interlocuteur officiel du gouvernement est alors Carlos Castaño. Castaño qui a déjà commencé à prendre ses distances avec ses amis. Et qui, aux yeux des paramilitaires, est donc de moins en moins crédible. Et ça va lui coûter très cher. Enfin, n'allons pas trop vite. Bien entendu. En tout cas, malgré ces divisions qui existent à l'intérieur des AUC, les discussions secrètes progressent. Et en mai 2004, un accord est même signé entre les autorités et les paramilitaires. Ceux-ci, s'ils acceptent de se rendre, obtiennent de ne pas être extradés aux États-Unis et de ne pas être transférés dans des prisons de haute sécurité. Mais ce n'est pas encore assez. Et un an plus tard, en 2005, le gouvernement fait voter par le Congrès la loi dite « Justice et paix ». Une loi faite sur mesure. Faite sur mesure en faveur des paramilitaires ? Et que prévoit-elle alors ? En gros, en échange de la confession des crimes qu'ils ont commis et de la remise de leurs armes, les paramilitaires seront condamnés à de légères peines et on les aidera même à se recycler dans la vie civile. Ah, ce sont des conditions très clémentes. Que ne demandent pas de souligner les associations des victimes. Pour elles, c'est tout simplement une loi d'impunité que le Congrès vient de promulguer en faveur de ces criminels. C'est si vrai que des narcotrafiquants qui n'ont aucun rapport avec les AUC proclament qu'ils sont des paramilitaires afin de bénéficier de cette exceptionnelle clémence. Mais justice et paix a un effet encore plus pervers. La loi aboutit à une légalisation de fait des extorsions pratiquées par les paramilitaires. Et vous voulez dire toutes ces terres-là qu'ils se sont appropriées en volant les petits paysans ? Et cette injustice manifeste provoque de nombreuses protestations. Et pas simplement en Colombie, mais dans le monde entier. L'Union européenne, par exemple, dénonce cette loi. Et même les États-Unis sont obligés d'émettre des critiques et annoncent qu'ils gèlent leur aide militaire. Conséquence, l'année suivante, la Cour constitutionnelle dénonce la loi Justice et Paix. Ouais, donc jugée anticonstitutionnelle. Oui, et lui succède un peu à l'instar de ce que l'on a vu en Afrique du Sud, une commission nationale de réparation et de réconciliation. L'intention est certes louable, mais comment cette institution pourrait-elle travailler sereinement alors même que la guerre civile continue ? Et les violences aussi. En fait, je me demandais, a-t-on une idée précise du nombre de paramilitaires ? Pas facile. Mais d'après des informations dignes de foi, il y aurait entre 12 000 et 31 000 hommes recrutés par l'AUC. Entre ces deux chiffres, il y a une sacrée marge. En effet. Et ce n'est que le début d'une bataille de chiffres, car Uribe, pour des raisons évidentes, ne va avoir de cesse de proclamer que des milliers de paramilitaires déposent les armes. En 2006, à la veille des élections législatives, Uribe annonce que 22 000 d'entre eux ont déposé les armes, ce que conteste l'opposition et même l'organisation des États américains. En fait, il n'y en aurait eu que 4 000. Mais le pouvoir a besoin de résultats, car les menaces se font de plus en plus précises. Des menaces, là, sur qui ? Uribe lui-même. Le patron des services secrets, un homme forcément très proche du président, est ainsi accusé d'avoir détourné des fonds au profit des paramilitaires et même de leur avoir fourni des listes de syndicalistes. Ouais, des hommes à abattre. Évidemment. Cependant, Monsieur Propre, comme vous l'avez appelé, est à peine éclaboussé. Et ainsi que vous le savez, il sera largement réélu en 2006. Mais pour autant, est-ce que les autorités colombiennes obtiennent des résultats ? Ben, on ne peut pas le nier. Nombre de paramilitaires ont rendu leurs armes. Mais aussitôt après, d'autres hommes ont pris la relève. Les derniers s'appellent les Aigles Noirs et se livrent aux mêmes pratiques criminelles que leurs prédécesseurs. Car plus généralement, et malgré des magistrats courageux qui agissent sous la menace, et malgré une cinquantaine d'arrestations de politiciens nationaux corrompus, le cancer de la collusion entre le pouvoir et les paramilitaires, qu'on a appelé la parapolitique, n'a toujours pas été éradiqué. Je vous donnerai un seul exemple. Je vous écoute, là. L'INCODER, un organisme chargé de redistribuer les terres confisquées aux narcotrafiquants, les revendait aux plus offrants. C'est-à-dire aux plus riches. Et les bénéfices allaient directement dans les caisses du parti du Uribe. Alors Castagnol avait promis de m'en reparler. Le chef paramilitaire, surtout depuis la publication de son livre de confession, était un homme très recherché. Même l'ONU s'en est mêlée et a demandé que Carlos Castaño soit traduit devant la Cour internationale pour crimes de guerre. Il était donc sur la sellette, hein. Et le danger le plus réel venait de son propre camp. Ses amis. Et même sa propre famille. Car un jour de 2004, le chef de la sécurité de son frère Vicente a demandé à le voir. Évidemment, ses gardes du corps ont laissé pénétrer dans la propriété celui qui répondait au sobriquet de Monoleche, c'est-à-dire blanc comme le lait. Mais à peine mis en présence de Carlos Castaño, Monoleche a dégainé son arme. Il l'a tué. Non sans arrière-pensée, d'ailleurs. Il s'est sans doute dit que cet assassinat d'un homme recherché pour des dizaines de crimes lui vaudrait peut-être, un jour, une sorte d'absolution. À samedi prochain, pour un second volet consacré à la Colombie et au plan anti-drogue, auquel les Américains ont consacré en vain des milliards de dollars. Et puis, je vous recommande les cahiers de la sécurité publiés par la documentation française et qui consacre en 2005 un très bon numéro aux drogues et antidrogues en Colombie sous la direction de Laurent Laniel. Autre recommandation, les deux livres de Monsieur X coédités par France Inter qui sont maintenant en librairie.